Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes dans l'émission Bric-à-Brac AID. Donc, je fais un petit bisou à mon Hélène en passant. Bisous, ma chérie. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Chabada, qui est lieutenant chez les pompiers à Carpentras et qui va nous parler le comportement des gestes qui sauvent. C'est une campagne qui a commencé, enfin, qui a toujours existé. Oui, tout à fait. Voilà. Et cette année, on l'a mis un peu en valeur, enfin, si on peut dire. Oui, on a eu la labellisation des services du Premier ministre. Oui, suite aux attentats. Tout à fait. Ça a malheureusement aidé oui, à la... a aidé à... Donc, vous êtes pompier volontaire ou pompier... Professionnel. À Carpentras. Voilà, à Carpentras depuis... 35 ans. 35 ans. Voilà. Et vous êtes moniteur... Instructeur de secourisme. Voilà. Voilà. Et vous allez de partout. Y compris dans les collèges, parce que j'ai compris. Un petit peu de partout, dans les collèges, dans les formations de sapeurs-pompiers, à l'étranger, dans les dom-toms, un petit peu de partout. Ah ben c'est sympa ça, les oui, dom-toms. C'est agréable, c'est agréable. Vous y allez souvent, dans les dom-toms? Oui, régulièrement. Ah, oh, oui, sympa. Oui, régulièrement. À La Réunion, donc, aux Antilles. En Polynésie. En Polynésie en plus. Ça c'est bien, ça doit changer. Oui. Quelle est la différence entre pompier volontaire et pompier de métier? Alors un pompier professionnel, ben c'est son métier, donc c'est son activité principale, il a un salaire qui est issu de cette profession. Alors qu'un pompier volontaire, c'est un engagement citoyen où il a un métier à côté, et quand ben le bip va sonner, il va laisser son activité pour aller tout simplement aller à la caserne où il est recruté, et pour aller faire une intervention. Alors selon les métiers, ben les employeurs, on peut faire des conventions avec eux pour leur permettre de laisser partir le pompier sur son temps de travail, en sachant qu'il ne faut pas que ça désorganise aussi le travail de l'entreprise, donc il y a des conventions pour ça. Mais quand la personne est de repos, le samedi, le dimanche ou la nuit, ben, il y a des astreintes, il y a des plannings, et donc quand son bip sonne, il va à la caserne et il va aider son prochain. Est-ce que c'est difficile justement pour les entrepreneurs d'embaucher quelqu'un qui est pompier volontaire? Est-ce que c'est un frein ou au contraire un plus? Alors peut-être que les employeurs le voient comme un frein, mais actuellement au niveau national, la Fédération nationale des pompiers de France travaille pour que ce soit un atout et pas un frein, puisqu'un sapeur-pompier dans une entreprise va amener son expertise de sapeur-pompier en termes de prévention, de sécurité, de gestes de premier secours, parce que si quelqu'un se fait mal dans l'entreprise, ben, il est là, oui. Il est là pour prodiguer les premiers gestes, et donc on est en train de travailler pour que justement ce soit un atout. Et donc vous avez l'hôpital de Carpentras qui a signé dernièrement une convention pour que les personnels hospitaliers qui sont sapeurs-pompiers puissent être libérés selon les activités de service pour aller faire une intervention. Vous avez le Roi Merlin aussi qui a signé la convention, donc on a pas mal de grosses entreprises qui s'y mettent pour pouvoir libérer leurs employés sur leur temps de travail. Et en tant que pompier volontaire, vous avez par exemple, je sais pas, vous êtes appelé à travailler, enfin à être appelé 7 jours sur 7 ou... Non, alors... Comment vous gérez ça? Il faut concilier la vie de famille, la vie professionnelle et l'activité de sapeur-pompier. Je crois que quand on est pompier professionnel, on reste des fois à la caserne 2 jours de file. Alors, c'est des cycles, hein, normalement. Ouais. Le pompier professionnel fait un cycle de 24 heures de travail à la caserne, et donc après avec un cycle de repos. Alors que le pompier volontaire, lui, comme il a une activité professionnelle, c'est essentiellement des plannings. Alors, en fonction de sa disponibilité, parce que la particularité, c'est qu'on va utiliser la disponibilité que nous donnera le pompier volontaire pour l'intégrer sur des plannings en fonction de sa disponibilité. Ça peut être deux soirées d'affilée, ça peut être un soir par semaine, ça peut être 4 soirs par semaine. En fonction de son activité, ça sera peut-être un week-end sur 2, un week-end sur 3. D'accord, voilà. On va faire une petite pause et on continue. Ah oui, j'ai avec la question campagne là qui arrive au moins. Okay. Pas de problème. Merci. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Yeah. me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. One, two, three. Come on, girls. Bonjour sur Fly FM 89.9 avec Claudie et monsieur Patrick Chavada qui est lieutenant au SDIS 84, oui. Centre. Non. Le service départemental d'incendie de secours de Vaucluse. Merci de venir à mon secours. En parlant de secours, il y a le pompier volontaire et le pompier professionnel. Oui. Et moi, demain, si j'ai un garçon qui me dit je veux être pompier, il choisit une des deux voies. Comment il faut faire ? Alors, pompier volontaire, ben, c'est très simple. Il va à la caserne de là où il habite, caserne des pompiers, puis il prend un rendez-vous, puis il fait une demande d'engagement de pompier volontaire. Alors, ça fonctionne, il y a des effectifs avec des effectifs qui sont contraints, c'est-à-dire que si à la place, on pourrait éventuellement le prendre. Si c'est plein, ben, on ne pourra pas le prendre. En sachant qu'il y a des épreuves sportives, il y a une visite médicale, il y a une formation derrière qui fait à peu près un petit peu plus de 200 heures, donc ça demande un investissement. Alors ça se fait, on essaye de se caler sur le rythme du pompier volontaire parce qu'il travaille, donc on va faire ça en soirée, les samedis, les dimanches. On peut faire ça pendant les vacances scolaires pour les jeunes qui sont scolarisés. Et donc une fois qu'il a fait sa visite médicale, qu'il a fait ses épreuves sportives et qu'il est recruté, il va partir sur un cursus de formation qui va faire à peu près 200 heures. Et au bout de ces 200 heures, il pourrait être opérationnel et faire le... Alors, pour un pompier volontaire, ce n'est pas un métier, c'est une activité. Il pourra faire les activités de sapeur-pompier. S'il veut être pompier professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est compliqué pas dans le sens où les épreuves sont compliquées, c'est compliqué dans le sens où il y a beaucoup de demandes pour peu de postes. Est-ce que c'est un concours ? C'est un concours national. D'accord. Concours national qui est organisé par le ministère de l'Intérieur. Et donc, effectivement, donc, visite médicale, épreuve sportive, épreuve de français, épreuve de mathématiques et un entretien devant un jury qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Et si la personne arrive à passer toutes ces étapes-là, elle est sur une liste d'aptitude à l'emploi qui va durer 2 ans. Et donc, à sa charge de trouver un emploi sur un département qui voudra bien le recruter. Mais est-ce qu'il y a un niveau pour entrer pour ce concours ? Alors, le niveau, il me semble que c'est le niveau 3e. D'accord. En sachant que, bien évidemment, comme tous les concours, les candidats qui se présentent, ben, les niveaux sont différents. On a des gens qui ont des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Et donc, quelqu'un qui veut embrasser la carrière de pompier professionnel, je peux que lui conseiller de continuer ses études au maximum pour avoir un maximum de bagages scolaires, parce que, bien évidemment, ne sont pris que les meilleurs. Bien sûr, un concours, c'est un concours. Je dis aussi une chose, c'est que j'ai dit un garçon, mais il y a aussi des filles. Bien sûr qu'il y a des filles, heureusement. Et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Il y en a de plus en plus. On a des filles qui sont pompiers professionnels et pompiers volontaires sur le département. Ça amène une petite plus-value dans un milieu qui était essentiellement masculin, parce que ben, ça oblige les garçons à avoir un petit peu plus de retenue dans leurs propos, dans leurs attitudes. Et donc, le fait d'avoir... Et alors, sur les interventions, c'est également intéressant parce que quand on va arriver une ambulance avec un pompier qui est féminin à l'intérieur, ça n'a pas la même approche que l'homme. Ah oui ? Oui, tout à fait. C'est la femme est peut-être plus douce, plus d'empathie envers les victimes. Elle rassure plus ? Ça rassure peut-être plus, surtout si c'est des enfants. Et donc on arrive à faire des équipages où effectivement, en fonction si c'est un homme ou une femme, le pompier, ben, c'est peut-être elle qui va aborder la victime plus facilement, ou alors c'est l'homme. Et donc on arrive à travailler avec les deux. Mais dans le milieu policier et gendarme, je pense, et ça, c'est pareil, je pense. Les femmes ont tendance justement à aider ou à soutenir ou à dialoguer avec les personnes et à les rassurer. Mais c'est un métier qui s'ouvre aux femmes sans souci. On a les mêmes épreuves, c'est les mêmes épreuves que pour les hommes, il n'y a pas de problème. Bon, on va faire une petite pause et après et on va parler de la grande cause nationale. Les comportements qui sont... Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 à l'émission Bric-à-Brac AID. Et aujourd'hui, nous allons parler avec M. Chavada de la grande cause nationale qui s'appelle Adoptons les comportements qui sauvent. Alors, consiste en quoi ? Alors, c'est une campagne qui a été initiée en début d'année avec trois associations, la Fédération des pompiers de France, la Croix-Rouge française et la Protection civile. Et donc, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas comment il faut dire, avec les attentats qui se sont produits en France, les services du Premier ministre ont labellisé cette cause nationale qui va se déployer au niveau du territoire français. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des accès aux médias, notamment France Télévisions, avec des spots à la télévision, des spots dans les radios. Et l'objectif, c'est de sensibiliser la population au comportement qui sauve. Alors, quand on dit au comportement qui sauve, il y a deux axes. Le premier, c'est catastrophes climatiques, des inondations, des tempêtes, des orages. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et en parallèle, on a effectivement le geste qui sauve quand quelqu'un fait un malaise, une hémorragie, un arrêt cardiaque. Dans la vie courante. La vie courante, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, la campagne est en train de se mettre en place. Et elle consiste en quoi, cette campagne? Alors, cette campagne, elle consiste tout simplement à attirer l'attention du public et donc du citoyen sur son rôle au sein de la société et surtout lui faire prendre conscience qu'il faut qu'il soit acteur de sa propre sécurité. C'est-à-dire ne pas attendre sur le voisin si on a un problème. C'est-à-dire que peut-être connaître les gestes de premier secours, savoir ce qu'il faut faire quand il y a des inondations, savoir ce qu'il faut faire quand on a une tempête de vent pour éviter de se mettre en danger, parce que on s'aperçoit que sur les dernières catastrophes que nous avons eues, notamment sur la région niçoise avec les personnes qui sont décédées dans les parkings souterrains, ou alors en 2000 quand on a eu la tempête sur la façade ouest de la France, on s'aperçoit que la plupart des gens qui malheureusement sont décédés n'avaient pas eu un comportement qui avait permis de les mettre en sauvegarde. Soit on monte sur le toit pour réparer l'antenne alors qu'il y a un vent à 100 km/h, on tombe du toit, ou alors on se précipite dans les garages inondés pour sortir la voiture et puis on meurt noyé. Bien sûr. Donc le comportement qui sauve, c'est quelle attitude je dois adopter dans certaines situations pour me mettre en sécurité. Bien sûr, c'est des gestes simples. Très simples. Voilà. Seulement des fois la panique peut être. Voilà, fait la que... panique, le stress, et puis on prend pas mesure. Des fois on prend pas la mesure. On parlait du tout danger. À l'heure en aparté des vigilances orages avec les orages, tout ça. La question à se poser, c'est on est en vigilance orange et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort? Est-ce que je reste à la maison? Est-ce que je dis faire ce que j'ai à faire? Est-ce que je vais faire mes courses tranquillement comme c'était un autre jour? Ou est-ce que je dis je le ferai demain, je vais laisser passer les orages? Donc on disait en aparté que les gens respectent si on dit vigilance orange et finalement il n'y a pas eu d'orage. Mais oui, parce que la météo n'est pas une science exacte. On sait qu'il va y avoir des précipitations importantes, mais simplement on ne peut pas précisément dire à quel endroit ça va tomber. Donc la vigilance se met sur un département. On va vous dire, tiens, le Vaucluse est en vigilance orange. Ce qui veut dire que orange, quand normalement on est en voiture, on fait orange, on s'arrête. Voilà. Donc ce qui veut dire que quand on est en vigilance orange, on doit commencer à se poser la question de se dire, tiens, demain on est en vigilance orange, qu'est-ce que j'ai de prévu dans ma journée? Je dois aller faire les courses, est-ce que je ne peux pas les reporter au lendemain et tout puis rester fait. Tranquillement à la maison pour ne pas me mettre en danger, parce qu'on a des routes qui sont inondées. On a malheureusement sur le département quelques cas de gens qui sont morts noyés sur des inondations parce que tout simplement, oui, on est à vigilance orange, mais on continue à vivre normalement. Oui, ça c'est tout à fait humain. Voilà. Tu as quelque chose à alors, nous dire? Alors on a parti sur les inondations avec la vigilance orange et quel... Vas-y, pose je continue, on va avoir la petite pause comme d'habitude. Et sur le coup, j'y suis perdue. Donc on est parti sur les inondations. Oui. Vous avez aussi parlé de... Donc il faut parler de... Si demain on est en inondation, il ne faut pas effectivement descendre dans les garages. Tout à fait, il ne faut pas prendre sa voiture. Pour aller faire ses courses, on peut voilà, très puis, bien reporter. Et puis on s'aperçoit que même quand il y a 50 cm d'eau, les gens ils veulent absolument passer. Donc oui. Avec la voiture on veut passer. Ah, moi je passe pas, j'ai tellement peur de noyer ma voiture que j'y vais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent passer, puis il faut savoir que 40 cm d'eau, ça vous emporte une voiture avec le courant. Ah, tout à fait. Et puis il y a une chose, en 92 quand on a eu une inondation, j'ai pris ma voiture pour aller au travail, sauf que je me rendais pas compte qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Oui. Je me suis vite tapé un demi-tour parce que je n'y voyais plus rien. Je suis restée enfermée toute la journée. Donc vigilance orange, ça veut dire vigilance orange. Attention. Attention. Il faut faire attention. On va faire une pause, on continue tout à l'heure avec des gestes qui sauvent. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit. Et là, on va partir sur quoi ? Sans pub. Ah oui, le gars. Les sentiments se tassent. Quel est ce mystère ? As-tu trouvé la force après avoir mordu la terre ? De revenir à quai, sans aucun goût amer, les bras chargés. D'histoires anciennes, de rêves échoués, au bord des lèvres. Non, dis non, dis non, dis non. Comme l'on s'étreint, comme l'on se perd. Des navires si fiers coulent dans nos... Marche dans la ville, tu cherches un peu d'air. Rien ne t'effraie, tu connais la rengaine. Tout passe, ce qui reste fracasse. Comme l'on s'étreint, comme l'on se perd. Des navires Jamais la tête, ne courbe jamais les chines. Tu t'entêtes à faire mine, coureur de fond dans les tranchées arides. Non, dis non, dis non, dis non. Rien ne transpire seul. Non, dis non, dis non, dis non. Comme on s'étreint. L'on se perd des navires si fiers coulent dans nos mains de loin en loin comme l'on se perd des navires. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 avec Monsieur Chavada qui nous parle des comportements qui sauvent. Donc, on parlait donc de quoi on parle ? Des inondations qui fallait rester chez soi en cas voilà, de. Voilà, et tout à l'heure, en dehors des micros, on parlait de si on a une hémorragie soudaine, on se coupe en faisant la vaisselle, oui. Que faut-il faire ? Alors, c'est l'hémorragie, les gens, bon, c'est une hémorragie. Puis le sang, ça fait peur. Le sang, ça fait peur. Alors, geste très simple, il faut savoir que quand on a une hémorragie, c'est un tuyau qui est percé. En l'occurrence, c'est un vaisseau, donc le sang s'écoule à l'extérieur. Donc tout naturellement, il faut appuyer là où ça saigne. Voilà. Très et après, simplement. Appeler les secours. Alors les secours 112, numéro d'appel le 112, le 18, et vous aurez une équipe de secouristes qui viendra vous aider. Le fait d'appuyer sur une plaie qui saigne abondamment. Alors quand on dit une hémorragie, un saignement oui, abondant, c'est que vraiment ça saigne abondamment. C'est pas la petite plaie quand on fait oui, quand on tombe du vélo. Hein. Donc il y a vraiment le sang qui s'écoule. Un sang qui s'écoule. Soit ça va gicler ou soit ça va couler fortement. Il suffit tout simplement d'appuyer, de prendre un linge propre. Si vous êtes à la maison, une serviette, un torchon, une éponge, propre. Un torchon, n'importe quoi. Vous allez appuyer dessus et vous allez, avec votre main, appuyer fortement dessus pendant jusqu'à l'arrivée des secours, en sachant que 9 fois sur 10, ça suffit à arrêter un saignement. Mmh. 9 fois sur 10, c'est pas mal. 9 fois sur 10, oui. Mmh. Le garrot, les gens parlent du garrot, hein, parce que c'est les gens, ils ont ça à l'esprit. Oui, un oui, garrot, même nous, sapeurs-pompiers, on l'utilise très très peu. Et c'est vraiment soit parce qu'on a de multiples victimes, et je pense aux attentats, oui, où là effectivement, oui, oui. Quand on a affaire à 50, 60, 80 victimes, là on ne peut pas se permettre d'appuyer, donc on va mettre en place des garrots. Mais si vous êtes à la maison, normalement, avec un appui simple, vous arrêtez un saignement. Si vous devez faire un garrot parce que vous ne pouvez pas appuyer là où ça saigne, il faut tout simplement prendre un lien large que vous allez passer au-dessus de la plaie, quelques centimètres au-dessus de la plaie, mais jamais sur une articulation, et vous allez serrer. Et le moyen de savoir si on est efficace, c'est que le saignement s'arrête. D'accord. Voilà. Et dans les gestes qui sauvent, tout à l'heure on en parlait, par exemple quand on arrive dans un endroit inconnu. Mais public, que fait-on ? Alors, le citoyen acteur de sa propre sécurité, c'est peut-être de commencer à regarder. Alors, quand vous allez dans une soirée, alors si vous allez faire vos courses, c'est peut-être un peu compliqué, non. Mais quand vous allez faire une soirée, c'est peut-être de se dire, ou quand vous allez à l'hôtel passer des vacances, c'est de visualiser où sont les issues de secours. Voilà je suis à tel endroit, tiens, l'issue de secours est à tel endroit, on ne sait jamais. S'il y a un problème particulier qu'il faut évacuer, je ne vais pas paniquer, stresser, je visualise déjà où sont les issues de secours. Pour tout simplement me préparer éventuellement, s'il y a un souci, pour évacuer tranquillement, en sachant que ce qui est dangereux dans ces situations-là, c'est la panique. Oui, bien sûr. Voilà. Les gens se marchent dessus. Les gens se marchent dessus pour essayer de sortir. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est vrai que ça soit à Nice, malheureusement, ou à Paris. J'ai une copine qui était à Nice et qui était quand même loin de ce qui s'est passé, mais c'est la panique. Oui, la panique. La panique engendre des morts. Les mouvements de panique engendrent des morts. On a eu le stade du Ezeil avec énormément de morts. Et donc, ce qui est important pour les secours, et c'est pour ça que dans les commissions de sécurité sur la construction des bâtiments, on impose des largeurs de sortie de secours pour que justement les flux de personnes puissent sortir. Donc il ne faut pas que ce soit encombré pour les exploitants d'établissements. Il ne faut pas que les secours soient fermés à clé. Il ne faut pas que ce soit encombré, toujours libre, pour que le public puisse sortir très rapidement du bâtiment. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a des commissions de sécurité normalement quand il y a un lieu public. Oui, commission de sécurité. Alors les commissions de sécurité, c'est cyclique, elles ne passent pas toutes les années. Selon l'établissement, ça va passer tous les 2 ans, tous 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc ce qui veut dire qu'entre le moment où on passe et le moment où on va repasser, si c'est passé 5 ans, on ne va pas spécifiquement vérifier. Donc c'est à l'exploitant à faire attention, sachant que sa responsabilité sera engagée. Si malheureusement il y a un mouvement de panique et que les portes étaient fermées et qu'on a des morts, effectivement, il va devoir répondre devant la justice pourquoi les secours ont été condamnés. Enfin, c'est quand même dramatique, hein, des cas comme ça. Oui. Donc, on va revenir au 12 novembre. Qu'est-ce qui va se passer le 12 novembre ? Alors, le 12 novembre, c'est le samedi qui sauve. Alors, c'est au niveau national. C'est une campagne qui se met en place pour sensibiliser la population à quelques gestes qui sauvent. C'est un module qui fait 2 heures pour les personnes à partir de 10 ans. Et donc, sur notre département, avec les collègues de la Croix-Rouge et de la Protection civile, l'objectif, c'est de proposer au public des sessions de 2 heures, donc de 10h à midi et de 14h à 16h. Et pour nous, les sapeurs-pompiers, ça va se faire dans les casernes de pompiers qui auront de la disponibilité. Donc, on est en train de recenser les casernes de pompiers. Et donc, vous pourrez vous rendre gratuitement. Oui, j'allais dire, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez à la caserne des pompiers de là où vous êtes. Alors, pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la préfecture. C'est www.vaucluse.gouv.fr. Vous allez sur la rubrique les gestes qui sauvent et donc vous allez arriver sur un portail qui va vous dire les endroits où les sessions se font, en sachant que ça devrait être mis en place la semaine prochaine puisqu'on aura dans la préfecture les lieux de formation pour ce vendredi 28. Et donc vous avez 2 petites heures d'information sur la protection, l'alerte, le saignement abondant, l'arrêt cardiaque, la personne inconsciente qui respire, on l'a mis sur le côté en PLS. Et les positions d'attente. D'accord. Et dans la vie, enfin, j'allais dire la vie courante, si on veut faire donc assister à des cours. Des cours de secourisme. Comment on se renseigne où ? Alors, ben, vous allez à la caserne des pompiers de votre ville. Voilà. On a des moniteurs partout. Et donc, vous dites que vous voulez passer la formation de secourisme de base, la prévention secours civique de niveau 1 qui fait 7 heures. Donc là, ça se fait où ? Un samedi bloqué ou alors ça se fait en soirée. En sachant que cette formation a un coût qui est de 55 euros, puisqu'on a du matériel, il y a quand même des frais qu'il faut qu'on amortisse. Et donc, c'est ouvert à tout public à partir de 10 ans. D'accord, ben, on va faire une petite pause. Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. Sans toi, rien n'est plus pareil. Je virais, tourne en rond sans toi. C'est comme l'été sans soleil, tu vois. Même l'hiver n'est plus froid sans toi. J'ai trop bu, j'ai trop fumé, je sais. Mais tout ça c'est fini, je crois. Pourrais-je encore me laisser aller à tout imaginer sans toi? Alors viens, allez viens. Là sur mon volcan natal, je reste inondé de remords sans voix, étouffé comme une étoile en reste, je m'époumonne encore sans toi. Ici plus rien n'est parfait, tu sais, depuis que je suis là sans toi. Ces éclats de rire que tu aimais ne se comptent plus que sur 10 doigts. Alors viens, Allez, viens encore une fois. Tous ces rêves qu'on s'est promis, on les vivra côte à côte et les uns après les autres. Allez, viens. Allez, viens. Notre histoire n'est pas finie. On fera le tour du monde, on sera porté par les ondes. Allez, viens. Rebonjour sur Fly FM. Rebonjour sur Fly FM 89.9 avec Claudie et Monsieur Chavada, notre pompier qui nous a fait le plaisir de venir au sein de l'émission. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est en plus pour les vacances, pour les enfants. C'est Ma vie de courgette, qui est sorti le 19 octobre 2016 et qui dure 1h06 de Claude Barras. C'est un film d'animation, c'est un drame quand même, et c'est un film français et suisse. Courgette, c'est pas un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice, ils ont tous leur histoire et ils sont aussi durs qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette petite fille Camille, Camille qui a 10 ans et qui va avoir sa bande de copains, elle va tomber... Alors attends, c'est un petit garçon apparemment, il va tomber amoureux, il y a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même être heureux. Ce film, il a gagné le Valois de Diamant au Festival d'Angoulême en août 2016. Il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Et c'est adapté d'un roman autobiographique d'une courgette de Gilles Paris, pour lequel le réalisateur Claude Barras a eu un véritable coup de foudre. Ce livre apparemment lui a replongé dans son enfance et a rappelé ses premiers émois de spectateur devant des films comme Les 400 coups, Rémi sans famille, Belle et Sébastien, on les a connus, tous ces petits trucs, Heidi ou encore Bambi. C'est des forts sentiments qu'il a voulu transmettre sur un grand écran où il évoque principalement la maltraitance. Donc c'est quand même C'est un film d'animation un peu triste au départ. Voilà, il a tenu à adapter ce roman car il voulait faire un film pour les enfants qui parle de la maltraitance et de ses remèdes dans le monde d'aujourd'hui. Il a fabriqué quand même une soixantaine de décors et il y a 54 marionnettes dans 3 déclinaisons de costumes. Ça a duré 8 mois ce film et ça a été réparti sur 15 plateaux de tournage. 8 mois supplémentaires aussi pour sonoriser le film, assembler les prises de fond. Enfin bon là, donc je suis c'est pour les enfants et puis bon, puis en même temps si ça parle de la maltraitance, peut-être que ça passe des messages. Bien sûr, tout à fait. Et moi je voulais vous parler des Bazarettes, je sais pas si vous les connaissez. Bazarettes, ça me parle. Oui, c'est deux jeunes femmes et qui font des spectacles humoristiques. Voilà, c'est un peu genre détendu quoi. Donc elle passe à Caderousse le 29 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. Et comme le succès grandit, Huguette Valérie a décidé à la demande de nombreuses femmes fans des Bazarettes d'écrire le numéro 3. Il y a eu le 1, le 2, le 3. Alors voilà Morissette et Georgette, nos deux intarissables tchatcheuses qui inaugurent leur salon d'esthéticienne. C'est un spectacle interactif. C'est la mairie de Caderousse qui l'organise. Et si vous voulez retenir vos places, c'est au 04 90 51 90 09. 04 90 51 90 09. Alors moi, je passe du coq à l'âne. Pour ceux qui aiment Johnny et Eddie Mitchell, ben vous avez le Chœur de France de Provence qui sera présent à Morières-les-Avignons à 20h30 le 5 novembre 2016, donc à l'espace Follard. C'est la semaine d'après. Voilà, donc Johnny et Eddie, parce que moi j'aime bien Eddie surtout. Bon, après, je ne vais pas critiquer les fans de Johnny parce que je vais me faire taper sur les mari, il sera pas content. Excuse-moi, Alain. Il aime bien. Donc, si vous voulez aller à l'espace Follard et voir cette soirée, donc le 5 novembre à 20h30, vous appelez le 04 90 83 24 20 ou alors le 06 14 08 42 01. Et c'est une chorale C'est le Chœur de France. Ah, le Chœur de France. Oh là là, de Provence. Ouais. Et c'est un concert, voilà.

Ou alors vous allez sur www.carpentras-ventoux.com et vous aurez les dates, les horaires et l'inscription. C'est, je crois, c'est le 29 octobre, à 10h. Peut-être qu'il y en a d'autres derrière. Ils le font souvent. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais. C'est souvent parce c'est gratuit pour les enfants. Je connais le monsieur les parents, qui fait les verres. Alors, moi, je vais vous parler de la ville de Monteux. Alors, parce que quand même, la ville de Monteux, dans le cadre de Soif de Culture, fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors là, c'est le 4 novembre, donc vous avez le temps, c'est à 20h30, c'est à la chapelle des pénitents noirs. Donc, la ville de Monteux vous convie à un concert lyrique et cabaret song par Marie-Béatrice Uzer, qui est soprano, accompagnée de Stéphanie Lay, alors ça s'écrit L-A-Y-E, alors Lay, je ne sais pas, au piano. Donc, c'est un voyage à travers les siècles et les époques avec opérette, opéra, mélodie et variété, en terminant sur une petite note de cabaret dans le cadre donc de Soif de Culture. L'entrée est libre, c'est quand même intéressant. Hein, je veux dire, bon. Renseignements au 04 90 66 97 52. 04 90 66 97 52. Oui, Claudie. Voilà, et toi ? Bah, moi, j'ai le choix entre le marché à la brocante, si vous voulez, tous les jours. C'est tous les dimanches. Où ça ? Non, jusqu'au samedi. Ben, à Lille-sur-la-Sorgue. Ah, d'accord. C'est ah bon, le fief. Oui, hein, pour ceux qui aiment la brocante, jusqu'au 31 décembre, vous avez donc ce marché de brocante ou d'antiquité à Lille-sur-la-Sorgue. Vous avez bon, tous les dimanches, toute la journée, toute l'année. Vous chinez au bord de l'eau. Vous pouvez manger des bons restaurants, si vous voulez. C'est agréable. En plus, Lille, c'est très joli, je trouve. Et donc, c'est organisé par la ville de Lille-sur-la-Sorgue. C'est avenue des Quatre Otages. Et voilà. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui aiment chiner. Voilà, mais moi, je vais t'emmener dans une sortie insolite. Est-ce que vous connaissez Riche Orange ? Riche Orange ? Oui. Oui, de non, j'y vais pas tout le temps. Monsieur, il a l'air de connaître. Drôme. Voilà. C'est... Non, c'est dans l'enclave. L'enclave ? Oui, mais il n'y a pas la truffe là-bas. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, c'est un petit village de l'enclave des Papes. Et les Templiers avaient élu domicile là-bas. Ils ont écrit une page d'histoire de 1136 quand même à 1314. Et avec la mort de Jacques de Molay, ça a marqué la fin de l'ordre. Alors, à Riche-Orange, il y a une commanderie et dont le village actuel épouse les formes. Elle a été construite en 1136 et ça a été la plus grande commanderie de Provence. Avec le titre de, je vais arriver à le dire, Preceptory. Alors, je ne sais pas si toucher l'argent. Preceptory ? Oui. Précepteur ? Ça, ça devait être un collecteur d'impôts. Hein. Elle était forte de quand même de 275 membres, cette commanderie. Il y avait du monde, hein, c'était les Templiers. Et ces Templiers valorisèrent les terres, produisant des fruits, des légumes, cultivant les vignes et arbres fruitiers, et disposant de cheptels de moutons, de chevaux, et menant une vie de soldats fermiers au service de l'Église. La maison templière en est le plus beau et imposant bâtiment, avec une nef de 32 mètres sur 11. Des contreforts reliés au sommet par des arcades, c'est un véritable donjon, elle défendait les lieux. Aujourd'hui, cette fabuleuse histoire se mêle avec celle de la truffe et du vin, bien sûr, puisqu'un musée dédié à ces produits phares existe là-bas, donc vous pouvez aller visiter. Et moi, je pense que quand même le plus grand trésor, parce qu'il paraît qu'il y avait un trésor, bon, ils ne l'ont pas trouvé, je pense que le plus grand trésor de Riche-Orange, c'est quand même la truffe. Tu es déjà allée, Claudie ? Oui, je suis déjà allée à, à la messe de la truffe au dernier dimanche de janvier. Il paraît que cette année, les truffes... Ah, il n'y en aura pas trop. Bon, je crois qu'on va faire une petite pause et on reste sur notre appétit de truffes. Fly FM. Fly FM. Au cœur des années 90. Sur le trône de fer, je regarde. céder ton règne. Oh my god, c'est dingue, la force du blé. Je sors le féfé pour acheter du lait. Ce genre de vie, ce genre de style, j'arrive en paix, je repars en jet. Le fisc me les casse, met l'oseille dans les vases. Le fisc me les casse, fait de moi un monégasque. Allongé dans les vignes, rabatte dans le vide. Je suis partout, le drapeau de Jezreel. Ne mets pas de glaçons dans mon verre, ça prend de la place pour rien mon frère. Le cul posé sur le trône de fer, je regarde les écuyers. Merci et foule, rajoute un autre. Mon verre est vide, serre-moi un autre. Tu la veux, paie le prix, Mia Ramsey. Tu la veux, paie le prix, Mia Ramsey. Voilà, revenu sur Fly FM avec l'émission Bric-à-brac à idées. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Mercato d'hiver. Vous savez ce que c'est le mercato? Les hommes savent ce que c'est. C'est quand ils vendent, ils achètent des joueurs. Là. C'est la saison. Voilà. Donc c'est de Philippe Kerr qui a été écrit en 2015 mais qui est sorti en 2016 pour la France. C'est un auteur archi connu grâce à sa trilogie berlinoise. Il est né en 1956 en Écosse, à Édimbourg. Il a été journaliste. Là, ce thriller est passionnant. Enfin, moi, même, j'aime pas trop le foot, mais j'aime bien aimer. C'est le milieu vraiment du foot en Angleterre, donc c'est spécial quand même. Hein. C'est passionnant et visite un milieu loin de nous. Hein. Le Mercato d'hiver, premier tome de la série de Scott Masson, Manson, nous plonge dans les eaux troubles de la Première Ligue, un monde où l'adrénaline peut pousser aux pires excès. Donc même au crime. Après le crime perpétré contre le manager de l'équipe, retrouvé mort sur la pelouse de leur stade, Scott, qui est l'entraîneur du club de football de London City, c'est un ancien joueur, un excellent entraîneur, donc il se lance dans l'enquête. Donc ce sont les vœux du propriétaire, qui est un Ukrainien au passé un peu trouble, qui lui demande d'enquêter. C'est pas facile, surtout quand la victime est en question est un célèbre manager. Donc il y a une histoire d'argent, de joueurs qui sont des enfants gâtés, qui sont un peu qui ont besoin de babysitters. Les babysitters, c'est les managers. Donc c'est une enquête policière qui vient se greffer là-dessus, sur ce monde. C'est des personnages réels et des personnages fictifs. Et le plus intéressant, ces personnages inspirés par ce mélange, ça donne un sujet passionnant. Et chaque fois que tu me parles d'un livre, j'ai envie de le lire. Hein. Oui, franchement, il est bien. Hein. C'est une espèce de philosophie pour eux, le foot. On pourrait en tirer un film de ça, je pense. Oui, je pense que ça serait très... Je vois bien, un genre détective manager, là. Je le vois bien. Voilà. C'est du capitalisme pur et simple, hein, le foot. Il faut quand même le reconnaître. Hein. C'est un peu l'image du monde d'aujourd'hui, mais en appuyé. Voilà. Donc, c'est trouble. C'est... D'accord. Il y en a qui sont... Bien, il y a le bien, il y a le mal. Voilà, moi j'ai bien aimé. Même ça parle de foot et il y a des fois des choses que j'ai pas trop compris. C'est pas grave. T'as demandé à ton mari. Non, alors là, zéro. Voilà, moi j'ai fini. Si alors moi, on parle d'un autre sport si tu veux. Voilà, puisque ce week-end, le 29 et le 30, vous avez le rallye qui se trouve à Sarriant. Donc qui est la 12e édition de ce rallye. Donc ça attaque, que je dise, bon, il faudra se présenter dès 7h le samedi 29 pour les participants, pour les vérifications administratives, et suivront des essais techniques sur la plage Jean Jaurès, la présentation des autos et des équipages, et tout ça se poursuit jusqu'au lendemain 7h30 aussi, et il y a des spéciales chronométrées qui font Sarriant, Vigne de Vaquera, Suzette Malocène, le col de la Madeleine. Voilà, donc ouais. Ceux qui veulent y aller, alors attention, il risque d'avoir des routes bloquées au niveau des garrigues sur Sarriant. Ah, j'ai vu les panneaux. Sûr, oui, bien sûr, c'est un gros truc ça, oui. Et vous avez le programme complet, si vous voulez, sur le site rallyedesarriant.fr. Voilà. Bon, mais écoute, moi, avant qu'on se redonne la parole à Monsieur Javada, je voulais vous dire qu'à l'Auditorium du Thor, il y a le Festival du Cirque. Alors, il y a vendredi 28 octobre à 17h30 à partir de 5 ans. C'est un spectacle de cirque intimiste autour d'un piano magique pour le plaisir des plus petits et des grands aussi. Hein. Les tarifs, c'est plein, c'est 12 euros, réduit 10 euros. Il y a un passe-famille, 40 euros. Réservation au 04 90 33 96 80 ou en ligne, bien sûr, vous allez sur Internet. Et il y a le mercredi 2 novembre aussi, à 17h30, c'est pour tout public. C'est cirque contemporain en provenance de Québec, je pense que ça doit être de qualité, pour un spectacle grand public à la fois poétique et humoristique. Et les prix, c'est un peu plus cher. C'est plein 20 euros, réduit 17 euros, le passe-famille 65 euros. Voilà, et vous allez sur le site de l'Auditorium. Voilà. Vite fait, après on laissera ce monsieur nous rappeler tout. Juste après le Thor, moi j'ai Cavaillon, ceux qui aiment après Johnny et Eddie, on peut aller sur Jean-Patrick Abdevielle. Ah ben voilà. Ceux qui ont mon âge l'ont connu. Donc le 5 novembre à 20h, la MJC de Cavaillon propose cette soirée en sa présence, avec donc un concert. Il y a des expositions photos, une projection, des ventes du nouvel album, des dédicaces. Il sera sur scène, il faut s'inscrire. Donc il y a un bar ouvert aussi toute la soirée, une restauration à petit prix qui est proposée de 20h à 22h, et vous devez téléphoner au 04 90 71 65 33 si vous avez envie d'aller le voir. 5 novembre à 20h, Jean-Patrick Patrick. Très bien, on va redonner la parole à Patrick, oui, qui va nous reparler rapidement de cette campagne de comportement qui sauve. Voilà, et le 12 novembre, donc allez vous informer, allez vous sensibiliser, n'hésitez pas à pousser la porte des casernes de pompiers. Pensez que l'inscription se fait sur le site de la préfecture www.vaucluse.gouv.fr, rubrique les gestes qui sauvent, et donc vous aurez la liste des casernes qui proposent ces actions de formation, soit le matin, soit l'après-midi. Vous vous inscrivez, vous avez un petit retour qui vous dit que l'inscription est bien prise en compte, et vous vous présentez à la caserne, tout simplement. Alors si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez directement aller à la caserne, pas de problème, vous serez quand même pris en compte. Même si on y va comme ça le jour même ? Oui, même si on y va, on prendra tout le monde. Voilà, mais ce qui est important, c'est que chacun soit acteur de sa propre sécurité et commence à prendre conscience que ben, le malheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, je crois qu'il faut le rabâcher. Oui, le rabâcher. Voilà. Voilà. On est humain. Et si tout le monde est formé, ben on peut aider également son voisin qui peut avoir un souci. Tout à fait. Ça, c'est important. On a une transmission de pensée parce que justement, entre voisins, ce serait bien que les gens y communiquent de plus en plus. Tout à fait. Parce que des fois, vous avez des personnes qui sont seules, voilà, qui tombent, et le voisin, il voit rien. À nos personnes âgées qui sont de temps en temps, un petit coucou, ça va bien, tout va bien, voir un petit peu si tout va bien, parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes âgées qui sont seules, et donc la solidarité passe par là. Moi, je regarde si les volets sont ouverts. Tout à fait. Ouais. Oui, ça fait partie je des fais choses, ça tous les matins avec bon, ma voisine. On va se quitter. Donc, rediffusion vendredi, ça sera le 28, à 14h. Et la semaine prochaine, nous recevons la SEL avec sa présidente qui s'appelle Pascal. Alors, la SEL, c'est une association qui récupère des livres et qui les vend pour racheter des livres pour les écoles. C'est très voilà. Bien. C'est très bien. Des fois, on a des livres, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Au revoir, Gilles. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir, merci, monsieur. Au revoir, Patrick. Au revoir, nos techniciens. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. La nuit est tombée. Charmé, je crois plus aux histoires de fées. À présent, j'entrevois l'impossible dans l'imparfait. J'ai quitté ma tour d'ivoire. Je prends ma chance avant qu'il ne soit trop tard. Si demain ne vient jamais, dreams up, can't get enough. Let's make love before we gotta get down. Pas de drame, pas de larmes, mais le flou de corps sous effet. Le sort est levé, baby. J'ai le cœur au vestiaire de l'espoir dans le verre, c'est parfait. J'ai quitté ma tour d'ivoire. Prends ma main avant qu'il ne soit trop tard. Si demain ne vient jamais, dreams. une fois l'amour à l'envers. Il était deux fois l'amour en enfer. On était sans voix car l'amour nous perd. J'ai quitté ma tour d'ivoire. J'prends ma chance avant qu'il ne soit trop tard. Si demain ne vient jamais. Soit trop tard.